Chapitre sixième. Ce petit déjeuner est un pur bonheur, dit Harmonie en mordant dans un croissant moelleux. C'est vrai, renchérit Jérémie, il n'y a juste qu'à contempler ce goinfre. Serait-ce de moi que tu parles? Répondit Ron. Et ils continuaient tranquillement à engloutir sa viennoiserie. Tous les trois éclatèrent de rire en se regardant. Ce matin était radieux. Un soleil ardent, malgré l'heure matinale, englobait un paysage de rêve. Le navire, amarré au port de Funchal, la capitale de Madère, leur laissait entrevoir la splendeur de l'île. Harmonie avait reçu un petit cours de géographie de la part de Ronnie. On n'appelait pas Madère Funchal. Madère était le nom de l'île, et Funchal celui de sa capitale. Un point, c'est tout. Harmonie avait remercié le jeune homme qui, à la demande de son père, s'était quelque peu documenté. « Par où allons-nous commencer ? » demanda-t-elle. « Il y a tellement de jolies choses à voir. » « Je suggère de nous promener au gré de nos envies, » fit Jérémie, « puis d'aller sur les hauteurs admirer le paysage. »« C'est en effet une excellente idée, me semble-t-il. »« Elle est bonne, c'est vrai, mais, » fit Ron, « je vais vous laisser. »« Je rejoins mon groupe d'amis, si cela ne vous dérange pas. »« À mon humble avis, ça ne vous dérangera pas. »« Ai-je cru entendre une pointe d'humour ?» fit son père. Ron se leva, donna un baiser sonore sur la joue d'Harmonie et une bourrade sur l'épaule de son père. « À ce soir, les amoureux !» La jeune femme rougit, et qu'elle ne fut pas sa surprise en voyant que cet homme face à elle, si sûr de lui, en avait fait de même. Il tortilla sa serviette et dit « Il va falloir que je revoie et vide ses fréquentations. Il me semble qu'il devient un peu trop insolent. »« Pas du tout, » répliqua Harmonie. « Il est jeune, ce n'était qu'une pointe d'humour. Je crois d'ailleurs qu'il a de qui tenir. »« Vous pensez que je suis insolent ?» Non, bien que, quelquefois. Allons, il faut nous dépêcher, sinon la navette partira sans nous. Ils débarquèrent et se dirigèrent lentement vers une grande artère, dont les jacarandas mauves qui l'entouraient dispensaient une ombre bienfaitrice. Ils flânèrent aussi, au gré de leur plaisir, jusqu'au marché des laboureurs. Harmonie commença une série d'exclamations qui fit sourire Jérémie. C'est fabuleux, et ces parfums de fleurs, de fruits! Elle se dirigeait vers un étal, puis un autre, sans arriver à s'arrêter. Jérémie enfin la prit par le bras et la fit ralentir son allure. « Doucement, sinon vous allez vous fatiguer et ne pas goûter le reste de la visite. » De plus, il commence à faire bien chaud. Sur la façade d'une pharmacie s'étendait en lettres vertes la température à 9 heures, 26 degrés. « Voulez-vous goûter quelques fruits ?» « Regardez, il y a des papayes, des grenades, des mangoustans, des... Oh mon Dieu, je n'en connais aucun !» fit-elle déconfite. « Justement, c'est fait pour cela, regardez. » Il prit un petit panier d'osier et le remplit de 2 fruits de sortes différentes. « Nous allons nous régaler, » dit-il en le tendant à la jeune femme, pendant qu'il glissait discrètement le règlement dans la main du vendeur. « Si nous allions nous asseoir dans le jardin municipal, il est rempli de fleurs et de senteurs. » Ils dégustèrent avec bonheur les fruits juteux et mûrs à souhait. Comme des enfants, ils s'amusaient du jus qui leur coulait sur le menton et se divertissaient à s'essuyer l'un l'autre. Tout autour, des fleurs à profusion, frangipaniers odorants, hibiscus multicolores, marcamia jaune d'or, bougainvilliers et tant d'autres où que se porta le regard. Le jardin municipal était entretenu à l'extrême. Il est vrai que, passage obligé des étrangers, les Madériens se devaient à leur réputation de propreté et d'ordre. Après avoir déambulé dans les allées, Jérémie la convia à prendre un téléphérique pour visiter un endroit, disait-il, qu'elle adorerait certainement. Il fallut attendre son tour. Les touristes au mois de mai étaient légion. « Auriez-vous le vertige ? » demanda Jérémie en voyant le léger recul de la jeune femme face à la cabine. « Eh bien, c'est possible, en effet, que je n'aime pas vraiment ce genre de transport. Je ne regarderai pas en dessous, c'est tout. »« Vous êtes un brave petit soldat. Tout se passera bien, et je suis là. »« Le brave chevalier en armure, » dit-elle en riant. Le paysage était époustouflant, vu sur la côte découpée de l'Atlantique d'un côté et sur les versants de la montagne de l'autre, un monde merveilleux se montrait à leurs yeux ébahis. Harmonie n'eut guère le loisir d'avoir le vertige. Bientôt la cabine stoppait doucement et ils purent s'en échapper avant la foule qui, elle, voulait redescendre. « Où allons-nous ? » Il lui prit naturellement la main et la conduisit vers un taxi. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais ce n'est pas loin. En effet, quelques 10 minutes plus tard, la voiture s'arrêtait. Voici la roseraie de Quinta do Arco, la plus belle et la plus grande au monde. 1 700 variétés de roses, rien que pour vous, et toutes en fleurs au joli mois de mai. Le parfum était enivrant. Harmonie ne savait plus où regarder, tellement les parterres resplendissaient de couleurs. Comme une abeille, la jeune femme allait d'un rosier à l'autre, se délectant du parfum suave de ses fleurs. Jérémie cependant s'aperçut qu'elle se dirigeait plus volontiers vers les superbes rosiers jaunes. Je crois que je vais rester ici, dit-elle en humant l'air. Oh non, vous voulez certainement visiter le jardin tropical, celui où le film Sissi a été tourné. Comment pouvez-vous savoir cela? Une intuition, dirons-nous? Je ne vous crois pas. Très bien, je vois que je suis démasqué. Je me suis renseigné près de notre coordinateur français sur le bateau. Il m'a donné toutes les destinations que vous vouliez voir. Vous avez triché, dit-elle souriante, mais aussi très émue. Ils se regardèrent un instant, puis Jérémie lui reprit la main et la guida vers un petit restaurant. Voulez-vous boire ou manger quelque chose? Ce n'est pas de refus, je meurs de soif. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Ils sirotèrent un verre de jus de papaye bien frais. Au bout d'une vingtaine de minutes, le taxi refit son apparition. Vous avez vraiment tout coordonné? Comment vais-je faire pour vous remercier? En dînant avec moi jusqu'à la fin de la croisière, répondit-il aussitôt. Non, je ne vous force à rien. Je vous en prie, votre compagnie m'est fort agréable et suffit à mon plaisir. J'accepte volontiers si vous maintenez l'invitation. Alors c'est d'accord, j'en suis heureux. Il porta sa main à ses lèvres, ouvrit sa paume et y déposa un baiser léger. Harmonie frissonna de tout son être. Jamais de sa vie, elle n'avait connu pareil bonheur. Parfois, elle se demandait si ce n'était pas un rêve et voulait, si c'en était un, ne jamais s'éveiller. Dans le taxi, elle resta cependant silencieuse. Ne faisait-elle pas une grosse bêtise? Elle secoua la tête et envoya ses pensées au diable. Elle voulait à présent profiter de ce que cette vie enfin lui procurait. Ils sortirent du véhicule juste devant un autre téléphérique qui les mènerait à quelques 5 km sur les hauteurs de Funchal. Arrivés aux cabines, une foule s'y pressait. Elle reconnut le docteur Villona et elles se firent un signe amical. La praticienne joua des coudes pour essayer de la rejoindre. Une bousculade se fit lorsque la cabine ouvrit ses portes, emportant avec elle Harmonie et la jeune doctoresse. Jérémie, refoulé en arrière, ne put rien faire pour atteindre à son tour la porte qui se referma. Il dut faire contre mauvaise fortune bon cœur et attendre le suivant. Priant pour que la jeune femme ne soit pas trop compressée parmi tous ces gens et ne fasse pas de malaise. Ce qui le rassura un peu fut que le docteur du bord soit avec elle. Il se passa une bonne demi-heure avant qu'il ne puisse embarquer dans le suivant. Il se demanda si cette fois Harmonie n'avait pas eu peur. La hauteur était vertigineuse. Il se dit aussi que depuis un bon moment, il ne pensait plus qu'à elle. Se frayant un chemin parmi la foule qui s'était agglutinée à la sortie, il la chercha des yeux sans la trouver. Cependant, il découvrit le docteur Villona en grande conversation avec un membre de l'équipage. Il l'aborda en s'excusant. Avez-vous vu votre patiente? Oh, oui, fit-elle en le reconnaissant. Elle m'a dit que vous pourriez la rejoindre tout en haut. Elle prend de l'avance car elle va plus doucement. Je n'ai pas remarqué si elle avait de l'eau avec elle. Non, c'est moi qui l'ai. Je vais me dépêcher de la rejoindre si cela ne vous ennuie pas. Vous faites bien, prenez soin d'elle. Elle est fragile et le temps est très lourd. Ils se saluèrent en se souhaitant de belles découvertes. Jérémie commença à grimper les marches qui menaient à une folie. Folie merveilleuse d'où, dans le film Sissi Impératrice, le personnage féminin s'arrêtait pour découvrir le paysage fabuleux. Il savait que c'était le rêve le plus fou que la jeune femme voulait à tout prix réaliser. Il se hâtait, ne la voyant toujours pas devant lui. Au détour d'une allée, une tache de couleur jaune clair le fit sursauter. Harmonie portait aujourd'hui une longue robe d'été de la même teinte. Voyant que cette tache de couleur ne bougeait pas, il se mit à courir. Bien lui en prit. La jeune femme se trouvait à terre évanouie. Il la porta dans ses bras jusqu'à la folie qui n'était plus qu'à 1 dizaine de mètres et l'allongea à l'ombre sur un transat. Sortant la bouteille d'eau et sa pochette, et lui bassina les tempes et le visage. Elle revint doucement à elle. Comment vous sentez-vous? Son ton, d'où perçait son inquiétude, la fit se relever. Non, non, restez tranquille. Je vais vous donner un peu d'eau. J'en parlais justement avec le docteur il y a un instant. Elle s'inquiétait, à raison d'ailleurs. Dites-moi, vous allez vraiment mieux? J'ai eu très chaud et je voulais arriver le plus vite possible ici pour me reposer en vous attendant et voilà le résultat, c'est gagné. Ne vous en faites pas, reprenez-vous. Nous avons tout notre temps. Après tout, le bateau ne repart que demain. Il s'assit à ses côtés tout en la surveillant de près. Pourtant, il lui vantait les jolies choses qu'il voulait acheter pour faire des cadeaux à ses amis en revenant chez lui, forçant l'attention de la jeune femme sur autre chose que la peur qu'il voyait encore au fond de ses yeux. Il avait mal. Il savait pourquoi elle était si faible, et de plus en plus chaque jour. Il attendait le coup de téléphone de l'agence, et ne devrait plus tarder désormais. Étonnant comme les événements auxquels on pense se révèlent quelquefois aussitôt. Son téléphone vibra. Il s'excusa auprès d'Harmonie et s'éloigna de quelques dizaines de mètres pour prendre la communication. Cependant, il fit bien attention à ce qu'elle reste en vue.